bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 126e émission de Rock de Neurone sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, du choix musical et de l'animation. Et aujourd'hui, nous avons une émission spéciale pour souligner la venue à Trois-Rivières de notre formation de Québec, des musiciens de Québec. La formation se nomme GG Project. GG, ce sont les initiales de Gentle Giant. Alors, on comprend bien que c'est un groupe hommage à Gentle Giant. Et on a parmi nous aujourd'hui une invitée qui s'appelle Rachel Hardy Berlinguet. Bonsoir. Bonsoir. Et avant de te céder l'antenne, Rachel, je vais passer un petit peu le canevas de l'émission pour situer nos auditeurs. Et l'émission, étant donné qu'elle est en majeure partie dédiée à Gentle Giant, nous aurons un échantillon de plusieurs pièces des 6 premiers albums studio du groupe. Et nous aurons aussi, pour faire un petit rappel avec le Québec des années 70, il y avait une formation qui s'appelait Etc. qui a eu une influence assez évidente du groupe Gentle Giant. Et j'ai aussi une pièce de Neil Morse. Neil Morse qui est un membre de la formation Spock's Beard qui est aussi un fervent amateur de Gentle Giant. Et on le reconnaît surtout dans la partie vocale de ses pièces. Alors, on aura un extrait d'un album de Neil Morse. Et pour les amateurs de rock progressif qui sont fidèles à l'émission, j'ai, comme d'habitude, quelques nouveautés. Et aujourd'hui, on va avoir House, en fait, qui se lit HUIS, H-U-I-S. C'est la formation montréalaise qui vient de sortir un nouvel album, Nether in Heaven. Et on aura aussi une collaboration canado-allemande. C'est tout récent, ça vient tout juste de sortir. Ça s'appelle Huxley Would Approve. Et on aura 3 pièces. C'est une musique très, très Pink Floydienne des débuts du groupe Pink Floyd. Alors, c'est avec une sonorité moderne d'actualité avec les appareils d'aujourd'hui. Alors, je cède l'antenne maintenant à Rachel, qui fait partie du groupe GG Project et qui est aussi un membre de la formation Inner Odyssey. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, Inner Odyssey, on va fermer l'émission avec une pièce de ce groupe de Québec. Et pour faire le pont avec l'émission, mais le spectacle de GG Project qui aura lieu le 11 juin à la salle Anaïs Rousseau et c'est à 20h30. Ceux qui veulent se procurer des billets, il y a différentes façons d'y arriver. Vous pouvez aller sur le site, la page Facebook de GG Project. Vous pouvez aussi aller sur le site de Anaïs Rousseau. Et c'est un spectacle qui devrait couvrir une vingtaine de pièces et qui va durer, Rachel, combien de temps à peu près? Bon, on va faire environ deux parties d'une heure environ. OK. Là. Bon, mais étant donné qu'on vient d'entendre ta belle voix, on va continuer. Et peux-tu nous dire qui est GG Project? Qui fait partie de ce groupe-là? Alors, GG ou Gigi, on peut le dire en anglais aussi. Donc, on est une formation de 7 musiciens. On est tous de Québec. On n'est pas natifs de Québec, mais on est tous à Québec en ce moment. On est entre 20 et 30 ans, donc on est jeunes, oui, pour jouer cette musique, mais on est passionnés, donc ça compte pas. Donc alors, on a Audriane Roberge, je vais commencer par Audriane Roberge, 25 ans, qui est au saxophone soprano, saxophone ténor, qui est à la flûte, qui est au bac vocal, et au violon alto aussi. Audriane qui a fait une maîtrise en jazz à l'Université Laval et qui fait maintenant partie de plusieurs formations est beaucoup dans le jazz, je dirais. Donc, tout ce qui est stage band et ces trucs comme ça, improvisation, est beaucoup dans l'improvisation aussi, là, musicale. On a aussi notre petit bébé, Antoine Bourque, qui a eu 20 ans. Le chanteur principal, qui est aussi guitariste, flûtiste, à 16 heures, il joue aussi de la sitar et dans d'autres de ses formations. Une de ses formations qui s'appelle Barry Bourque, entre autres, qui est une très bonne formation. Antoine a fait ses études au CNDF, au campus Notre-Dame-de-Foy à Québec, en musique. Il a pris une pause, puis là, je pense qu'il recommence là, cette année. Donc, Audriane, Antoine. On a aussi Jonathan Perron à la batterie. 29 ans, je crois. Les âges, c'est des approximatifs, là, selon ma mémoire, 29 ans. Qui a étudié avec moi au Cégep, on s'est rencontrés là. Fait maintenant partie de plusieurs formations quand même de jazz aussi à Québec. Là, de son côté. Donc ça, c'est notre drummer. On a François Réel, qui est à la guitare, notre plus vieux, 30 ans. Lui, il a fait ses études en musique aussi, en enseignement à l'Université Laval. Il a fait une... il a étudié à Drummondville aussi en interprétation, je crois. Donc, mais il a fini avec à Laval. On a Isabelle Cormier au violon, à la flûte, à la voix, j'en oublie, au coco, au shaker, à toutes sortes de choses, 25 ans. Isabelle qui est beaucoup dans le prog, qui a fait partie aussi de l'hommage à Pink Floyd à Québec, Pulse Fiction, qui s'appelle. Donc, c'est ça. André-Philippe Pouliot, notre claviériste, qui est le seul à ne pas avoir étudié en musique. Il a fait une formation classique. Sinon, il est aux études en médecine en ce moment. Il travaille dans un CHSLD en ce moment. Puis, 23 ans, je crois. Donc, c'est notre seul qui n'a pas étudié en musique, mais c'est ça. Il a sa formation classique, là, aussi. Et on peut terminer par moi, qui a fait ma technique en musique pop jazz à Québec, qui maintenant moi j'ai plusieurs formations là à Québec de tous les styles un peu là, dans le pop, dans le jazz, beaucoup dans le prog, dans le soul, dans le blues, country je dirais aussi là. Donc ça, moi je suis à la basse et à la voix aussi. Donc, ça fait le tour des musiciens. On est une bonne gang sur le stage. On essaie de ne pas se piler dessus. Ben, en fait, avec 7 musiciens, j'imagine que bon, ceux qui ont vu Gentle Giant dans le spectacle ou qui ont écouté leur musique savent qu'il y a une panoplie d'instruments. Souvent, il y a plusieurs membres qui jouent du même instrument pour faire des montages assez sophistiqués. Est-ce que vous couvrez toute la musicalité de Gentle Giant en termes d'instruments? Okay. On essaie le plus possible d'être fidèle aux instruments, d'où pourquoi, mettons, Audrey-Anne joue du violon, du saxophone, la flûte, toutes sortes de choses. Des fois, on s'échange. Des fois, c'est Antoine qui vient à la basse, puis des fois, Isabelle qui va chanter. On est tous un peu multi-instrumentistes, donc ça nous aide beaucoup là, pour pouvoir couvrir oui. Tout le... Puis en parlant de multi-instrumentiste et de formation musicale, j'imagine que Gentle Giant n'est pas enseigné à l'université ou dans les écoles. D'où vient cet engouement-là pour cette musique-là qui, disons-le, date de 45 ans quand même? Oui, c'est pas enseigné, la musique n'est pas enseignée dans les écoles de Gentle Giant, mais c'est moi qui ai parti le projet parce que j'ai découvert Gentle Giant au cégep dans mes cours de littérature musicale. À ce moment-là, j'étudiais justement là avec Jonathan, puis j'ai vraiment eu un coup de foudre total. Donc, ça date de 2009 environ que j'ai cet amour-là pour Gentle Giant. Puis j'ai fini par aller voir sur Internet, puis j'ai trouvé tous les scores, les partitions qui étaient là. Ah oui. Puis à ce moment-là, je me suis demandé, ben voyons, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de bandes hommage à Gentle Giant? Fait que j'ai starté le projet, puis au fur et à mesure que le projet avançait, ben je me suis rendu compte pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas tant que ça. C'est que c'est de la musique assez compliquée, puis c'est beaucoup de musiciens, puis c'est beaucoup de choses à gérer, mais j'avais envie de le faire, donc c'est ça, c'est parti du cégep, là. Rallier les autres musiciens, ça n'a pas été trop difficile? Ben ça n'a pas été trop difficile. J'avais déjà j'avais un peu mes critères de sélection de musiciens. Je voulais que ce soit des musiciens qui étaient, bon, d'abord des personnes sympathiques, qui avaient une bonne attitude, qui avaient du talent aussi, puis qui avaient le temps. Bon, parce que oui, on a tous d'autres projets, d'autres bands, c'est difficile de se réunir, mais... Est-ce que ça nécessite beaucoup de pratique? C'est beaucoup de travail personnel, je dirais. D'abord, pour monter les pièces, une fois qu'ils sont montés, chacun pour soi... C'est sûr que ça prend, il y a quand même beaucoup de pratique à faire ensemble parce que c'est faire fitter toutes les sections, les changements, c'est ça, le tempo, tout ça, à faire les arrangements parce que oui, on a les scores, mais c'est les partitions. Mais c'est les partitions de version studio. Fait que des fois, il faut faire quelques arrangements pour, bon, on enlève tel instrument ou on le remplace par telle ou telle chose pour que ça soit le plus fidèle possible. Donc, oui, c'est quand même beaucoup d'heures de pratique. Là. J'imagine aussi qu'il y a une version moderne de Gentle Giant qui circule, là, Three Friends. Vous avez probablement été voir cette formation-là et j'imagine tirer quelques trucs pour la synchronisation ou le montage des pièces, j'imagine. Oui, effectivement. On est allé les voir. Je pense qu'il y en a juste deux dans le band qui n'étaient pas venus, mais on est allé les voir quand ils sont venus là, au Palais Montcalm à Québec en octobre passé, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis oui, c'est sûr qu'on regardait, on était curieux de voir, que parce qu'on les avait pas tous vus dans le temps. Fait que là, on était curieux de voir quelles pièces est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils arrangent ça, tout ça. Puis, mais on essaye de pas trop être pareil à eux non plus en même temps. Là, on veut pas être une copie conforme, tu sais. OK, vous avez, étant donné que c'est un répertoire assez, assez connu, tu dis que tu veux pas les copier, mais en même temps, est-ce que vous êtes pas un peu limité dans la liberté de... C'est sûr qu'on est limité. On est limité d'abord par les partitions qu'on a, limité par nos instruments, limité par justement quelles pièces sont faisables en live, en spectacle, malgré tous les changements de section dans les pièces, là, vu que ça change quand même souvent. Donc, c'est sûr qu'on va refaire quand même les mêmes pièces un peu que Tree Friends font, mais ils ne seront pas interprétés nécessairement pareil. Ou ce ne sera pas les mêmes, là, tout simplement. Oui, il y a un beau défi aussi au niveau du vocal. Oui, des bons défis que notre chanteur Antoine, qui est en fait à la base un guitariste, qui fait très bien. Au début, il était stressé, il était gêné un peu de chanter, mais on essaie de le convaincre, de le pousser là, à travailler sa voix, parce qu'il a vraiment une très, très belle voix. Il chante très juste, puis le monde sont surpris là, puis au-delà quand ils l'entendent. Au-delà des pratiques, avez-vous... vous avez des spectacles déjà de fait. Peux-tu nous dire combien vous en avez fait à date? Oui. À date, on en a fait... on en a 4 de fait. On a joué notre premier spectacle. En fait, la formation existe depuis fin 2014. Donc, on a eu notre premier spectacle en 2015, en avril, qui a eu lieu à Lévis. Donc là, on faisait une première partie de Deep Project, qui est un band de prog aussi, que tu connais. Oui. Ensuite de ça, donc ça, c'était un petit peu un test pour tenter le pouls, pour voir c'était quoi la réaction du monde. Puis les gens étaient surpris de voir « Oh, OK, on va aller voir ça ». Fait qu'on avait fait juste une petite demi-heure de spectacle. Par la suite, on a monté notre show complet. Puis on a fait un premier spectacle à Montréal, donc en juillet, par après. C'était à la salle... au bar Pub Saint-Paul. Donc, par la suite, on est allé le 13 novembre, encore en 2015, à Saint-Casimir, à la taverne. Puis, on a eu notre premier spectacle à Québec en janvier 2016, janvier passé. Janvier passé. Au Centre d'art La Chapelle. Ça a été notre plus gros spectacle qu'on a eu à date. Là. Donc, la salle était pleine, les réactions étaient très bonnes, puis ça a été une belle réussite, là, ce spectacle-là. Et puis, à Trois-Rivières, vous allez toucher à quelle partie du répertoire de Gentle Giant? En fait, on essaie d'améliorer notre répertoire. On essaie d'apprendre des nouvelles pièces entre chaque spectacle. Notre répertoire, comme tu dis, on approche la vingtaine là, d'une pièce. On touche du premier album, on arrête à The Missing Piece, on en fait une de eux. Après ça, on n'en fait plus. Là. De Giant for a Day, on fait pas de pièce de cet album-là, puis Sylviane non plus. Mais sinon, on touche à chaque album, puis on essaie d'être le plus large possible là, dans tout ça, pour toucher à tout, pour plaire à tout le monde aussi en même temps. Là. Et puis, des pièces qu'on va jouer à soir, c'est sûr que tu n'as pas eu la chance de regarder le canevas en détail, mais est-ce qu'il y a des pièces que des auditeurs connaissent, des pièces assez, comme je dirais ça, classiques? En fait, dans les pièces que tu vas faire jouer ce soir, il y en a quelques-unes qu'on va faire. En fait, il y a « In a Glass House », cette pièce-là, on l'a fait. En fait, je pense que c'est la seule. Tu n'avais pas parlé aussi d'Alucard à un moment donné? Alucard, oui. Es-tu dans le canevas? Ben, en fait, le canevas ici, il va avoir Alucard, okay. Il va avoir Mr. Class and Quality, Three Friends, Playing the Game, The Boys in the Band, The Advent of Panner. J'ai cru entendre The Boys in the Band sur Internet par votre groupe, si peux-tu? Mais The Advent of Panner, c'est une de nos nouvelles. Ouais. Okay. Puis The Runaway qui est sur une Glass House. OK. Alors, ouais. OK. Donc, si je rappelle, je pense que ça va terminer la partie GG Project. Aimerais-tu aussi nous parler de Inner Odyssey, qui est le groupe de Vincent Leboeuf, dont tu fais partie depuis... Depuis quelques mois, depuis janvier environ. Depuis janvier, Vincent m'a approché pour... son bassiste avait quitté, puis il m'a demandé de le remplacer. Ce fut un honneur pour moi. J'aimais beaucoup à la base ce band-là. puis toujours dans le prog. Donc, depuis janvier, j'œuvre dans NODC. On a eu notre premier spectacle il y a deux semaines lors de Terra Incognita. À la convention, vous étiez en première partie de... On était en première partie, j'ai un blanc de mémoire. À Belgans ou à RPVDL? À Belgans. À Belgans, OK. Oui, donc ça a été une très belle soirée. On a fait une... Il y a eu pendant le spectacle, il y a eu une petite apparition là, du claviériste là, Emmanuel de Unreal City. Donc, ils ont pu s'échanger des solos avec notre claviériste. Ça a été un moment fort de la soirée. Le spectacle de Unreal City a été un moment fort du festival. Oui, aussi. Ça a été un moment fort. Donc, on était bien contents de pouvoir partager un petit moment avec Emmanuel. C'est ça. Ben, pour vous qui êtes des nouveaux sur la scène du rock progressif, de voir ces... Je dirais, c'est sûr qu'Unreal City, c'est un groupe assez récent, mais on peut déjà les considérer comme des icônes du rock progressif italien. Parce qu'ils sont jeunes quand même. Ben, ils sont jeunes, ils ont des pièces originales, et c'est eux qui, en tout cas, des spectacles, je les ai vus deux fois, et les deux albums qu'ils ont sont vraiment des pièces maîtresses, là, déjà. Mm-hmm. Déjà, ils sont cotés sur le site Prog Archives. J'invite les auditeurs à aller faire un petit tour sur Prog Archives. Vous allez voir aussi que Inner Odyssey a deux albums très bien cotés. Le premier, c'est Have a Seat, et le deuxième, c'est Ascension. Et on va avoir une pièce de Ascension ce soir. Puis on travaille sur un troisième album qui, on aimerait ça, soit le sortir. On va travailler là-dessus pendant cet été. Puis qui va être à tendance un peu plus prog, beaucoup plus de vocal, beaucoup plus de je pourrais dire un peu tendance Gentle Giant, si je peux me le permettre. Donc, c'est ça, un troisième album. J'ai envie de dire le nom de l'album, mais c'est même si ce n'est pas encore officiel, là, qui s'appellerait The Void. The Void. Eh bien, sur cette primeur, je remercie Rachel Hardy-Berlinguet. Oui. Pour sa présence. Et je rappelle aux auditeurs que vous pouvez voir JJ Project à la salle Anaïs Rousseau le 11 juin à 20h30 et que les billets sont disponibles sur Internet et à la salle même. Alors, pour enchaîner avec ce qu'on a entendu, on va aller tout de suite sur Gentle Giant avec la pièce Alucard qui est tirée du premier album qui est paru en 1970. Thank you. Thank you.

Alors, c'était Neil Morse avec la pièce Time Changer et c'est extrait de Testimony 2 qui est paru en 2011. Ça a été précédé de Apostrophe, une pièce tirée du seul album de la formation québécoise Etc. Ça, c'est paru en 1976. On a débuté ça avec Gentle Giant, bien entendu, et la pièce Alucard tirée de l'album Gentle Giant paru en 1970. Et en début de bloc, nous avions en entrevue Rachel Hardy Berlinguet du groupe JJ Project, qui est un hommage à Gentle Giant et qu'on verra en spectacle le 11 juin à la salle Anaïs Rousseau de Trois-Rivières et ça débute à 20h30. Après la pause, une nouveauté, Huxley Would Approve et encore du Gentle Giant. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On débute le deuxième bloc de l'émission avec une nouveauté canado-allemande. C'est le groupe Huxley Would Approve. C'est tout nouveau. C'est un album concept. L'album s'intitule Grave New World et on va entendre trois extraits qui font penser beaucoup au Pink Floyd des premières années. Alors, ça va être suivi par Gentle Giant, Black Cat. This concrete breaks. We'll be right back. darkness to be. I look up at the starry night and the voice in my head. It is sending from an ape on his mother's side. A cape. Tries to explain how we all came to be cosmic soup. With a tinge of Gemma Treat. But mister, can you find a cure for my common cold? And I start I am crazy. I look up from the good book. Thank you. Alors, on débute le troisième bloc de cette émission spéciale consacrée à Gentle Giant pour souligner la venue à Trois-Rivières du groupe de la ville de Québec, JJ Project, qui donnera un spectacle hommage à Gentle Giant le 11 juin à 20h30 à la salle Anaïs Rousseau. Alors, on continue avec un extrait de l'album québécois, du groupe québécois Etc., qui est paru en 1976. On va entendre Éclairci. Et pour suivre, on va avoir deux pièces de Gentle Giant de l'album Three Friends. Ça va être Mr. Class and Quality et Three Friends. Ça, c'est M. Paul Beaudoin qui nous a recommandé cette pièce-là, ou ces deux pièces-là. Et je rappelle la pièce qu'on a eue en fin de bloc 2, c'est Black Cat de Gentle Giant, extrait de l'album Acquiring the Taste, une suggestion de notre fidèle auditeur Denis Guillaume. Alors on y va avec Etc. Thank you.

Look at my provide for his needs and his shelter. This day was done as no other, there's life than their life. Faithfully their vow was made, and from that day they were as one. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones, une émission spéciale cet été consacrée à la venue de la formation de Québec, JJ Project, qui est un groupe hommage à Gentle Giant. Et tout au long de l'émission, on a entendu des pièces du groupe Gentle Giant, extraites des 6 premiers albums studio de la formation. Et on continue le quatrième bloc avec une dernière pièce de Gentle Giant. Ça va être The Runaway, c'est tiré de In a Glass House. Et on va enchaîner avec une pièce de Inner Odyssey. Le lien entre Inner Odyssey et JJ Project, c'est Rachel Hardy Berlinguet, qui est la bassiste dans les deux formations. Et je rappelle que Inner Odyssey, c'est une formation de Québec qui a 2 albums à son actif et ça tourne autour de Vincent Leboeuf Gadreau, qui a aussi un projet solo avec Isos. Alors voici, pour conclure, The Runaway. Oh,

Alors, c'était Inner Odyssey avec A Lifelong Misery. C'est extrait de leur plus récent album Ascension, qui est paru en 2015. Et ça a été précédé de Runaway par Gentle Giant. C'est tiré de l'album In a Glass House, paru en 1974, je crois. Et tout ceci pour dire que l'émission tire à sa fin. On a entendu plusieurs pièces de Gentle Giant pour souligner la venue à Trois-Rivières de JJ Project, qui est un groupe hommage à Gentle Giant. Et on a eu en entrevue en début d'émission Rachel Hardy Berlinguet, qui est aussi la bassiste de la formation Inner Odyssey. Et pour annoncer le spectacle qui aura lieu à la salle Anaïs Allard Rousseau le 11 juin à 20h30. On rappelle aussi que le groupe sera à Montréal au Petit Campus le 13 août. Alors pour les billets, vous surveillez ovation.ca et la billetterie et le site de la salle Anaïs Rousseau à Trois-Rivières. Alors, on a un petit peu de temps pour la fin de l'émission. On va faire un extrait du nouvel album de House, cette formation de Montréal qui vient de faire paraître leur deuxième album, Nether in Heaven. Et on va entendre la pièce, un extrait de la pièce Nor on Earth.